بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى nous allons commencer. Micro là. La lecture d'un nouveau livre. Inch'Allah, on va le faire si Allah facilite tous les vendredis après la prière de Jumu'ah. Et c'est la lecture du livre Usul Ad-Dawati As-Salafiyya, les fondements de la Dawati As-Salafiyya, de l'imam Abdul Karim Ibn Burgis, Abdul Salam Ibn Burgis Ali Abdul Karim, Allah lui fasse miséricorde. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman innahu baraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Alors ici ce livre qui est usul ad-da'wah as-salafiyya, c'est un livre bismillah qui montre les fondements de la Dawati Salafia, surtout dans notre époque actuelle. Voyez là, la majorité des savants, ils donnent les fondements de la Dawati Salafia sur trois grands fondements, qui est l'appel au tawhid, et la mise en garde contre le shirk. Ensuite, écouter, obéir à l'autorité, et ensuite mettre en garde contre l'innovation et les innovateurs. Voici les trois fondements que la majorité des savants donnent comme les fondements de la Dawah du Salafia. Et cela se trouve dans les hadiths de Al-Bahr ibn Sariyah. Lorsqu'il dit « Wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mawizatan baligha » Le messager d'Allah nous a donné une exhortation qui est forte. Ensuite, ils ont posé la question au messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il a dit, je vous ordonne as-sam'u wa ta'a. D'abord, avant cela, il a dit, ittaqullah, craignez Allah. Après cela, il a dit as-samu wa ta'a. Et ensuite, il a dit après wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Alors voici les trois fondements et les savants tirent cela dans ce hadith de Al-Bahr ibn Sariyah. Mais ici, comme on va voir dans l'introduction du Cheikh Abdul Salam, alors le Cheikh, il a donné plusieurs fondements ici. Il allait jusqu'à 10 fondements. Et ces fondements ne sortent pas de ces trois fondements que nous avons dit tout à l'heure. Mais c'est plus de détails que le Cheikh Abdul Salam il a donné ici dans le livre. Donc on va dire la muqaddima du nashir, c'est-à-dire celui qui a publié le livre. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons le pardon ainsi que nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la regarde, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Mohammed est son messager et son serviteur. Ensuite, il a dit, « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. » Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte réelle et ne mourrez qu'en état de soumission. Ensuite, le verset qui suit, il dit, « Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ce verset vient dans le début de sourate An-Nisa. Allah dit, ô vous, ô homme, craignez Allah qui vous a créé d'une seule âme. Et à partir de cette âme, il a créé son épouse. Et de ces deux, il a répandu beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Craignez Allah au sujet duquel vous vous demandez entre vous et vous resserrez les liens de sang, car Allah est contrôleur sur vous. Ensuite, le verset qui vient dans Surat Al-Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Donc ici, dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et prononcez des paroles correctes ou de bonnes paroles, afin que Allah réforme vos actions et vous pardonne vos péchés. Celui qui obéit à Allah et son messager a cette réussite d'une réussite immense. Alors ce qu'on vient de lire ici, c'est la khutbah al-haja du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, amma ba'd, fa inna asdaq al hadith kitabullah. Alors la parole la plus véridique est le Coran, le livre d'Allah. Wa khayr al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad. Wa sharr al umuri muhdasatuha. Et les pires des choses sont les nouvelles choses. Wa kullu muhdasatin bid'ah. Et toute nouvelle chose est une innovation. Wa kullu bid'atin dalalah. Et toute innovation est égarement. Wa kullu dalalatin finnar. Et tout égarement mène dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous préserve des égarements. Alors il dit, wa ba'd, après cela, fal ummatul islamiyya. Alors sachez que la communauté musulmane, khayru ummatin ukhrijat linnas, c'est la meilleure des communautés qui est apparue parmi les gens. Bi shart al qiyam bi wajib al amr bil ma'ruf wa nahy an al munkar ba'da tahqiq al iman billah. Alors avec la condition qui est de se dresser avec l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal après avoir concrétisé la foi à Allah. Car Allah dit dans ce verset que nous allons voir, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. C'est pour une cause que nous sommes la meilleure des communautés. Tayyib. Et cette cause est ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le bien, wa tanhauna lil munkar. Et vous interdisez le mal, c'est-à-dire le blâmable, wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah. Wa da'watu ila Allah. La prédication, c'est-à-dire appeler à Allah, min a'zami mahami hadhihi al-umma, fait partie des plus immenses responsabilités de cette communauté. Wa ashrafi a'maliha, et fait partie du plus noble de leurs actions. قال جل وعلا على لتر ولدينا سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah. C'est-à-dire la meilleure des paroles, c'est la da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah et fait la bonne action. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et il dit que je suis parmi les soumis. وَغَايَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Les objectifs de la prédication, de la dawa, Allah subhanahu wa ta'ala, arba, c'est quatre objectifs. Derrière la dawa, al-amalu ala ilahi kalimatillahi fil ard, c'est de faire l'effort afin que la parole d'Allah prenne le dessus. Voici l'un des objectifs de la dawa. Deuxièmement, wa adaw amanatut tabligh wal bayan. Et s'acquitter du dépôt de la transmission et de la clarification aux créatures. Troisièmement, wa sa'i li ikhraj an-nas min jawr al-adyan ila 'adl al-islam. Et faire l'effort de faire sortir les gens de l'iniquité des autres religions vers l'équité de l'islam. وإقامة الحجة للمخالفين والضالين والكافرين. Et dernièrement, c'est de dresser la preuve contre les contradicteurs, les égarés et les mécréants. Voici les objectifs de la da'wa. هذا cela وثمرة الاشتغال بالدعوة إلى الله تعالى في الدنيا. Alors le fruit de s'occuper à faire la prédication, appeler à Allah dans cette dunya, c'est afin de renforcer la religion d'Allah sur la terre, et donner la force à ces gens. Et dans l'au-delà, alors gagner l'agrément d'Allah et son paradis. ويجب على الداعي. Il est obligatoire pour le prédicateur أن يبدأ في دعوته بالأهم فالمهم. Il doit commencer dans sa da'wa par le plus important au moins important. وتوحيد الله. Et l'unicité d'Allah هو قطب راحة الدعوة. Qutb al-raha, c'est le pivot ou bien l'axe central de la prédication. Minhu tabda, c'est par le tawhid que la prédication commence. Celui qui va appeler Allah, la yabda mubasharan bi makarim al-akhlaq. Parce que le messager d'Allah sur la scène n'a pas commencé par le makarim al-akhlaq, les bons comportements, les bonnes mœurs. Il commence par le tawhid. Il appelle les gens à l'unicité d'Allah. Donc, minhu tabda, c'est par le tawhid que la da'wa commence. Wa ilayhi tandahi. Et la da'wa termine par le tawhid. Wa kullu amalin yajibu rabtuhu bi. Toute action, il est obligatoire de lier le tawhid à cela. Wa qad qamat ad-da'wati ila Allah. التي اصطلح على تسميتها بدعوة السلفية تمييزا لها من غيرها من الدعوات البدعية. Alors ici, cette da'wa qui est connue dans le jargon appelé la da'wa salafia, cette da'wa s'est dressée à se démarquer des autres da'wat al-bidi'iyya à la barre de l'usul, si certains fondements. Cette da'wat salafia se démarque des autres prédications, si certains fondements. Toyib, wallati bayanat biha ma'adaha min al-firaqin nakibati al-sirat al-mustaqim. Et c'est ce qui l'éloigne de tout ce qui est d'autres da'wat d'autres groupes égarés du chemin droit. La dawat salafiyya tatamayyazu se différencie des autres da'wah par des fondements. Alors celui qui est sur ses fondements est sur la da'wat salafiyya, incha'Allah. Mais celui qui n'est pas sur ses fondements, alors n'est pas sur la da'wah du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, وقد جمع جمعها الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله في هذه المحاضرة. Le Sheikh عبد السلام, il a rassemblé cela, c'est-à-dire ces fondements qui démarquent, qui distinguent la dawat salafia des autres prédications dans la conférence التي عملنا على تحويل إلى كتاب مقروء. Donc nous avons fait l'effort à ramener cette conférence en un livre qu'on peut lire. ليوم الانتفاع به, afin que le bénéfice soit plus englobant. والذي دعاه لجمعها, ce qui a amené le Cheikh عبد السلام à rassembler ses paroles, كما بينا Amran Zahiran, comme lui-même il a clarifié, on va voir dans sa muqaddima, deux choses apparentes. Al-Amr al-Awwal, la première chose qui a permis ou qui a motivé le Cheikh Abdus Salam à rassembler les fondements de la Dawat Salafia dans cette conférence pour donner, parce que la base de ce livre c'est une conférence. Voyez, et la conférence, lorsqu'il a donné, des frères ont vu vraiment le bénéfice, ils ont écouté l'audio, ils ont retranscrit par écrit. Katabou, ils ont écrit, et ensuite maintenant ils ont présenté au Cheikh. Regardez le travail. Jazakumullahu khairan. Qu'Allah les récompense en bien. Et Inch'Allah, si l'intention est bonne derrière cette action, ce livre-là a été enseigné des milliers de fois. Fil art. Tous ceux qui se reconnaissent dans cette da'wah de Salafia, ils enseignent ce livre-là. Parce que ce livre nous parle des fondements de la prédication. Usulu da'wati as-salafia. Les fondements de la prédication salafie. Tayyib. Alors, la première chose qui a motivé le Cheikh, ما رآه من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف يعني اسم السلفية. Alors la première chose qui a motivé le chef, c'est que c'est ce qu'il a vu de certains groupes islamiques hizbi qui sont très loin du manhaj salafi se nommer par ce nom qui est pur et noble. Il a vu qu'il y a des groupes qui se nomment Dawat Salafi. Wahum ba'iduna anhad. Ils sont loin de Dawat Salafi. Mais ils se nomment Salafi. Hein? Wahada kassir. C'est beaucoup. Donc, comme il a vu cela, ça l'a motivé de rassembler les fondements de la prédication salafi, les fondements de la da'wah salafia. Ça l'a motivé de rassembler. Al-Amr Sani, la deuxième chose qui a motivé le Cheikh, ma qamat bihi hadhihi al-jama'at aw ba'daha min at-ta'alluq bi ba'd ahli sunnah wal jama'ah li ta'qiq hadafin mu'ayyan min ahdafiha. La deuxième chose, c'est que c'est ce qu'il a vu certains groupes faire, ou bien d'autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accrochent à certains gens de la sunna pour concrétiser leur objectif. La hizbiya et les hizbi, ils sont comme ça. Yata'allakuna bi ba'di ahli sunna. Ils s'accrochent à certains savants de la Sunna, à certaines personnes de la Sunna, les tarqiq est hadafin min ahdafin. Pour concrétiser un objectif qu'ils ont chez eux, parmi les objectifs, car ils ont beaucoup d'objectifs. Voyez, parmi les objectifs, vous savez c'est quoi? C'est utiliser les gens de la Sunna pour se donner de la crédibilité. Ils utilisent certains savants de la Sunna, certains prédicateurs pour se donner de la crédibilité. Mais celui qui est sur la voie claire, haqqan, est-ce qu'il a besoin de tout ça? Il n'a pas besoin. Da'watuhu tushahidu lahu. Sa da'wa atteste pour lui. Ce qu'il fait. Ma ahad. Il n'y a personne qui viendra dire que lui là, ma wabi salavi. Il n'est pas salafi. Mais celui qui est hisbi. Hisbi, c'est lui qui va utiliser un salafi pour se donner de la crédibilité. Donc, le cheikh Abdussalam, il a vu cela. La yatawassal ilayhi illa an tariqi hadha ash-shakhs. Ils ne pourront arriver à cet objectif que par la voie de cette personne. Allazi ta'allaqu bihi. Celui qui se sont accrochés à lui. Wa huwa fil haqiqa bari'un kull al-bara'ah min hadha ta'alluq. Alors qu'en réalité, cette personne, il se désavoue, il est innocent même de la voix. Mais là qu'ils viennent, il y a tamastahoun. Ils viennent avec des mensonges. Ils pleurent avec des larmes chaudes. Hein? Pour dire non, nous on est sur la vérité. Ceux qui nous critiquent là, ils sont. Ils nous ont fait du tort. Qu'Allah nous préserve. Summa shara'a rahimahullah. Ensuite, Cheikh Abdussalam rahimahullah, il a commencé à détailler fi tafsil hadhihi al-usul allati awsalaha ila 10. À détailler ces fondements qu'il a amenés jusqu'à 10 fondements. Tayyib, on va les citer. Al-aslu al-awwal. Le premier fondement, الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين. L'importance, الاهتمام c'est l'importance. والعناية c'est pareil, donner de l'importance à l'étude de la science légiférée et chercher la compréhension dans la religion. Ça c'est un fondement de la da'wah du salafi. السلفي جاهل لا يتمكن. Le salafi ignorant, il ne pourra pas rester. Quand il y a une tempête qui va venir, boum, il s'en va avec la tempête. Hein? Beaucoup d'entre les gens aujourd'hui qui s'affilient à la salafia, c'est comme ça. Il est sorti de la salafia il y a longtemps. Mais tu le vois, il dit que vous voulez, que vous ne voulez pas, moi je suis salafi. Il y a salafi, amam al-nas ou amam Allah. Continue de te blaguer. La salafi, c'est une voix qui est claire. Wade. Et si tu veux être salafi, kun min al-wadihin. Sois parmi ceux qui sont clairs, limpides. Les salafi, on ne discute pas des salafi. Mais si vous voyez quelqu'un, on discute des salafi, affiché. Il a un problème. C'est compris? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Al-Aslu Sani, le deuxième fondement. Al-Hirs, ala tatbiq al-amali lil-islam. Faire l'effort d'appliquer l'islam. Tatbiq al-amali, l'application de l'islam. Al-Aslu Salis. Troisième fondement, ad-da'watu ila Allah ala basira. Appeler à Allah se basant sur la clairvoyance, c'est-à-dire sur les preuves. Al-aslu rabi, al-ihtimam bi aqidati salaf. accorder de l'importance à la croyance des salaf, ilman wa amalan wa ta'lima. Accorder de l'importance à la croyance des salaf dans la science, la mise en pratique et l'enseignement. Tayyib, voici un des fondements. Tu prends la science des salaf. Tu mets en pratique. Ça va? Et tu enseignes. Il a dit à l'anaka salafi. Si tu nous dis que tu es salafi, ma dawa tuka. Quelle est ta dawa? On va regarder. إن كنت تدعو إلى الله وإن كنت تدعو إلى السنة وإن كنت تحذر من البدع وإن كنت تحذر من الشرك وأنت واضح في هذه الدعوة طيب أنت داعي سلفي تيم بريديكاتور سلفي كلا نو بريزيرف الأصل الخامس لو سانكيام فوندمون الاهتمام بالسنة النبوية. Accorder de l'importance à la sunna prophétique ou à la hirsa à l'amal biha et faire l'effort de mettre cela en pratique wa da'wati ila dhalik et appeler à cela. Al-aslu sadis, le sixième fondement, al-irtibatul wathiq bi ulama'i sunna. Al-irtibat, c'est l'attachement, al-wathiq, étroit, ou bien on peut dire le lien étroit avec les savants de la sunna. Al-aslu sabi, le septième fondement, al-ibti'ad an al-hizbiyat wal-jama'at al-islamiyat al-sirriya, s'éloigner des sectaires ou du sectarisme et des groupes islamiques privé, caché. Al-aslu thamin, le huitième fondement. Iltizamuna bima dalla alayhi kitab wa sunna wa ajma alayhi salaf al-umma fi muamalati a'immatina wa hukamina. Alors le huitième fondement, c'est notre exigence à rester sur ce que le Coran et la sunna indiquent, ainsi que les pieux prédécesseurs concernant notre interaction avec nos autorités et nos imams. Al-aslu tas, le neuvième fondement, munabazatu ahli al-bid'i wa tahdhir min, rejeter les innovateurs et mettre en garde contre eux. Rejeter les innovateurs et mettre en garde contre eux. Al-aslu al-ashir, iltizamuna bil kitab wa sunna fi kulli shu'unina wa ahwalina. Alors, le dixième fondement, c'est qu'on doit rester sur le Coran et la sunna dans toutes nos affaires et toutes nos situations. Alors, wa li ahmiyati hadhihi al-muhadara, pour l'importance de cette muhadara, wa lima hawatu min hadhihi al-usul al-muhimma wa al-hujaj al-qawiyya, de ce qu'elle implique, de ses fondements importants et ses arguments forts, alors kumna bifadlillahi bitafriqha, par la permission d'Allah, nous avons retranscrit wa tahqiqha, nous avons vérifié tahqiqan ilmiyan yaliqu bihi, d'une vérification scientifique qui le convient, wa bimakanati shaykh, et qui convient aussi à la place du Cheikh Abdus-Salam ibn Birgis, de Tukhrija fi hadhi surat al-Qashiba, afin que ça sorte dans cette image al-Jadid al-Nazifa, nouvelle image. Alors ici, ce qui vient après cela, c'est le manhaj qu'ils ont suivi dans le livre, qui est le fait de faire le tafriq et d'amener les versets comme il se doit et tout ça. Alors, je vais sauter cette partie. On va aller directement sur Tarjamatu Fadilati Sheikh Abdus Salam Ibn Birgis Ali Abdul Karim. Alors ici, on va voir Voilà. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, ici, il explique comment il a mené les versets, les hadiths, quelques points. Hein? On va sauter cela. Alors, la biographie du Cheikh Abdussalam Ibn Bergis. Ismuhu wa nasabu. Son nom et son affiliation. Wa Cheikh al-Faqih al-Fadil al-Faqih. C'est le Cheikh, l'honorable Cheikh, le grand savant de jurisprudence. Wa al-Alim al-Usuli. Al-Nabi. Le savant Usuli. Al-Nabi, ça veut dire Al-Fatil, l'intelligent, l'habile. Sa kunya, c'est Abu Abdurrahman, Abdussalam, Ibn Bergis, Ibn Nasir, Ali Abdul Karim. Voici son nom. Mawliduhu wa nasha'tuhu wa bidayatu talabihi. L'ilayn. Sa naissance et son enfance, c'est-à-dire comment il a grandi et comment il a commencé l'étude de la science. Wulida rahimahullah, il est né, qu'Allah lui fasse miséricorde, fi am as-sabi' wa samanuna wa salasu mi'a wa alf, en l'année 1387. بمدينة الرياض الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية هي la capitale de l'Arabie Saoudite حرسها الله كلا بريزيرف للرويوم وسائر بلاد المسلمين من كل سوء de tout كلا بريزيرف tous les autres pays musulmans de tout mal. Alors le Cheikh Abdussalam qu'on nasha'a fi baytin diyanatin wa salah. Il a grandi dans une maison religieuse et de piété. Wa tamayyaza rahimahullah munzu sighari bizaka wal hazm. Alors il s'est démarqué depuis son enfance par l'intelligence et la résolution. والجد l'effort والاجتهاد فحفظ القرآن il a mémorisé le Coran وبدأ بطلب العلم وهو في الثاني عشر من عمره il a commencé l'étude de la science pendant qu'il avait 13 ans فلقي مشايخه العناية والاهتمام لما لمسوه من فضيلته من علامة التميز والنبوة. Alors ces savants lui ont accordé de l'importance à cause de ce qu'ils ont vu du Cheikh Abdussalam, des signes de singularité et d'excellence. À Tamayyuz, il s'est démarqué. Il était tellement intelligent. Et aussi, il était excellent. Donc depuis son enfance, les savants lui ont accordé, ceux qui les enseignent, ceux qui l'enseignaient, l'ont accordé beaucoup d'importance. Souvent quand l'étudiant, il est intelligent, l'enseignant lui accorde beaucoup d'importance, il lui accorde du temps pour qu'il puisse avancer. فَاشْتَهَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُنْزُ حُدَاثَتِهِ بِفِتْنَةِ وَزَكَاءِ. Alors le cheikh, il était connu depuis sa jeunesse, par l'habilité et l'intelligence. Et il avait une intense envie de l'étude de la science et de son acquisition. Et Allah lui a facilité, il avait un environnement pur. Et il avait un désir intense dans l'étude de la science. Fajtahada fi talabil ilm. Il a fait l'effort dans l'étude de la science wa jadda fi et il a excellé. Wa sahara al-layali wa wasala al-ayyam. Allahu Akbar. Il a veillé des nuits. Et il a continué dans l'étude de la science les journées. وَمَدَوْ فِي طَرِيقِهِ قُدُمَا Et il a continué dans sa voie, étant devant. Le Cheikh Abdul Salam. لَا يَرْغَبُ فِي شَيْءٍ غَيْرَ الْعِلْمِ Il ne désirait rien si ce n'était que la science. وَلَا يُرُودُ شَيْءٍ غَيْرَ تَحْصِيلِ الْعِلْمِ Et il ne voulait rien en dehors de l'acquisition de la science. Voilà comment une personne devient savant. N'est-ce pas? Mala kul nauna. La yuru de shayan ghaira tahsil al-ilm. Il ne voulait rien si ce n'est que l'acquisition. Comment? C'est-à-dire acquérir la science, c'est tout ce que le Cheikh Abdul Salam Ibn Burgis voulait lorsqu'il était petit. Fala yakadul wasifuna yasifuna shiddata hirsihi wa akbalihi ala al-ilm wa at-ta'allum wa hakadha nala hazzan wafiran min al-ulum ash-shar'iyya. Alors ceux qui le décrivaient chaque fois de l'intensité de quoi? De hirs, du besoin. Wa iqbalihi et de sa direction à l'ilm, vers la science, le ta'alloum. Et c'est de cette manière qu'il a obtenu une portion, une grande portion des sciences de la sharia. Wa kana yuwazibu ala durus al-ulama. Il était constant dans les cours des savants. وَعَلَى مَنْ يُشْرِ أَنَّهُ لَهُ مِنْهُ أَدْنَ فَاِدَ أَوْ يَشْعُ Et il partait vers celui qu'il savait que, ou bien il se rendait compte que, il pouvait avoir même une petite faïda, le Cheikh Abdul Salam partait vers lui. S'il savait qu'il pouvait gagner un bénéfice sur telle personne. وَلَهُ مِنْ أَقْرَانِهِ Voici ce qui manque à certains étudiants en sciences aujourd'hui. Tu peux être de la même catégorie qu'une personne. Vous cherchez la science ensemble. Mais cette personne connaît des choses que tu ne connais pas. N'est-ce pas? Alors, allez profiter de cette personne. Hadhihi tariqatul ulama. Bal min al-ulama man ya'khuz an-nahw ma talibi. Le chef Ousseymine a mentionné cela. Il y a des savants qui prennent Nahou avec son élève. Parce que l'élève, il est très excellent dans le Nahou. Et le chef, il prend le Nahou avec son élève. Qu'Allah nous accorde l'humilité. C'est l'humilité qui peut te rendre savant. Mais l'orgueil, ça ne fait que te rabaisser. Qu'Allah nous éloigne de l'orgueil. وَكَانَ يُوَازِبُ عَلَى دُرُسُ الْعُلَمَا Comme on a vu. وَعَلَى مَنْ يَشْعُرُ أَنَّهُ لَهُ مِنْهُ أَدْنَ فَائِدَ Comme on a dit. طَارِحًا Il mettait derrière lui, c'est-à-dire il jetait التَحَيُّزُ Le favoritisme. وَتَرَفُّعُ Et l'élévation. وَوَاصَلَ وَسَابَرَ Il a continué et il a patienté. وَبَزَلَ جُهْدَهُ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ Il a dépensé tous ses efforts dans l'étude de la science. حَتَّى نَالَ فِي صَبَاهُ أَوْ فِي سِبَاهُ Jusqu'à ce qu'il a atteint dans sa jeunesse مَا لَا يَنَالُهُ غَيْرُهُ فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ مِنْ عُلُومِ كَثِيرٍ Ce que d'autres personnes ne pourront pas atteindre dans un long temps de plusieurs sciences. وَفُنُونٍ مُخْتَلِفَةٍ Et de plusieurs de branches diverses. وَلَمْ يَقْتَصِرْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ عَلَى فَنٍ وَاحِدٍ Le chef, il ne s'est pas limité dans son étude de la science sur une seule branche de la science. بَلْ قَرَأَ فِي فُنُونٍ كَثِيرَةٍ Il a lu dans beaucoup de branches. فَقَرَأَ فِي الْحَدِيثِ Il a lu dans les hadiths. والعقائد les croyances wal fiqh la jurisprudence wal usul les fondements wal mustalah les terminologies des hadiths wa ulum al lugha et les sciences de la langue arabe wa ghayriha et autres que cela wa sheikh Abdul Salam Allahu a'lam kana mutafannin. Il connaissait beaucoup de sciences. Parce qu'il ne s'est pas limité. Qara ala al-mashayikh. Wa qad zakara ba'du al-ikhwa mimman 'arafa al-shaykh Abdus Salam annahu kana yahfadhu ba'd al-mutun al-ilmiyya an dhahr al-qalb. Certains frères qui connaissaient bien le cheikh Abdus Salam ont mentionné que il mémorisait certaines thèses de science par cœur. Ici, Yafayani, il avait mémorisé certains moutons de la science. Voilà pourquoi nous encourageons les étudiants à mémoriser les moutons. Hein? D'autres personnes disent non, mais ceux-là, ils sont là pour mémoriser seulement. Mémoriser, mémoriser, mémoriser. Hein? Nous, on connaît les règles. Les règles, là, tu enlèves ça où? C'est pas dans les tests. Hein? Comment tu as connu? Sallallahu alayhi wa sallam. Wa na'udhu billahi min al-khizlan. Il mémorisait des moutons tels que Boulouk Mara. Complet. Le Cheikh Abdus Salam, l'Hafid ibn Hajar, il mémorise. Wazad al-Mustaqna. Dans le fiqh al-Hanbali, l'Hajjawi. Rahimahullah. والقصيدة النونية لابن قيم والألفية في النحو ألفية dans la langue dans la grammaire l'Ibn Malik ألفية ابن مالك vous connaissez ألفية وما أدراكم ما الألفية c'est difficile hein ألفية plus de 100 vers de poèmes dans le Nahu, et c'est compliqué. Et après, 1000, plus de 1000. Et c'est pas facile. Al-Fiyya n'est pas facile. Là, Astasahib, ça va? Je vous décourage pas. Lakin, quand même, je vous donne la réalité. C'est pas facile. Ça va? Mais le cheikh, il a mémorisé cela. Ok, na. Fatinan, mais était très intelligent. Alors ici, on va parler maintenant de Dirasat ou An-Nizamiya. Son apprentissage académique. Talaqa, rahimahullah, ta'alimahu bi madinati Riyad. Il a pris la science dans la ville de Riyad. Fabad al-marhalati l'ibtidaïya. Après le niveau primaire, التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود. Alors il est rentré dans l'Institut de sciences qui est partie intégrante de l'université Mohammed bin Saoud de Riyad. ثم التحق. Ensuite il est rentré dans l'université بكلية الشريعة. Dans la faculté de législation بنفس الجامعة. De cette jamia, fatakharraja fiha, et il est sorti, c'est-à-dire il a eu son diplôme, l'année al-ashir wa arba'u mi'a wa alf, l'année 1410. Summa al-tahaqa bil-ma'ad al-ali lil-qada. Ensuite, il est rentré dans l'institut supérieur de magistrat. Wa tahassala fi ala darajat al-magister. Il atteint le diplôme de magistère de Risala ibn Wan avec une Risala qu'il a nommée At-Tawthiq bil-Uqud fil Fiqh al-Islami. Ça veut dire l'authentification par le contrat de la jurisprudence islamique. Summa tahassala ala darajat al-doctorat. Ensuite, il a eu son diplôme de doctorat l'année 1422 de l'Hégire. وكانت رسالته عبارة عن تحقيق الكتاب. Sa risala était une expression, on peut dire, la retouche du livre Al-Fawaid Al-Muntaqabat, Sharh Akhsar Al-Muntaqabat de Cheikh Ousmane Ibn Jamah. Donc, il a soutenu la thèse de son doctorat avec cette risala. Il a fait le tahqiq. Le tahqiq ici veut dire s'il y a des paroles, non? Magistère. Non, c'est un diplôme avant le doctorat. Hein? C'est un diplôme, c'est des niveaux, il y a licence, maîtrise, ainsi de suite. Ça va? Puis on dit ça magistère, non? En français, on dit ça magistère. Master. Ok, c'est master. Oui. Barakallahu fik. Mashaikhou, qui sont ces savants? Alors, on va citer plusieurs savants qui ont enseigné le Cheikh Abdus Salam. Le premier, c'est le Cheikh Al-Allama, Imam Ahli Sunna, fi zamani. L'imam des gens de la Sunna à son époque, Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, Rahimahullah. Et le deuxième, c'est le Cheikh Al-Faqih, le savant de la jurisprudence, Faqih Uz-Zaman, Al-Allam Al-Usuli, Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin, Rahimahullah. Regardez ce mashaïr. Le troisième, c'est Fadilatu Sheikh Al-Allama Al-Muhaddis Ahmad Ibn Yahya Al-Najm. Alors voici son cheikh, Ahmad Ibn Yahya Al-Najm, le savant du hadith. Le quatrième, Fadilatu Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Jibrahim. Il est resté avec lui pendant 4 ans. Lakin ibn Jibrahim, après il a pris certains balles perdues. Cinquième savant, al-Sheikh al-Muhaddis, al-Allama Abdullah al-Duwaysh, qara alayhi fi fatrat al-ijazat al-nizamiyya fi Buraida. Il a lu certaines sciences avec ce cheikh dans l'espace de temps qu'il y avait dans les congés. Vous comprenez? Les congés. Congés qu'on leur donnait dans les dirasat nizamiyya, dans les cours académiques. Lorsqu'ils avaient des congés, au lieu d'aller se reposer, lui partait prendre la science. Le sixième, c'est Fadilatu Sheikh Al-Faqih, Salih ibn Abdullah Al-Atrum. Il a pris la science avec lui, Qara alayhi fi kuliyat al-Sharia. Il a lu auprès de ce Sheikh dans la faculté de la Sharia. Septième, Fadilatu Sheikh Fad Al-Humayn, Qara alayhi fi tawheed wal-fiqh. Il a lu le Tawhid et le Fiqh. Ensuite, Al-Sheikh Al-Faqih, le huitième, Al-Usuli, Al-Allama, Abdullah ibn Abdurrahman Ghadiyan, Rahimahullah, Darasa alayhi fi Ma'ad al-Ali al-Qadha. Il a étudié avec lui dans l'Institut supérieur du magistrat. Ici, l'Institut supérieur du magistrat, c'est l'institut où on fait sortir les juges. Les Qudat. Qudat islamiyya. Comment il doit juger selon les principes de l'islam. Et c'est dans cet institut que le Cheikh Abdus Salam a étudié jusqu'à ce qu'il ait son doctorat. Al-Manasib allati taqallada. Alors les postes qui ont été donnés au Cheikh Abdus Salam. Parce que normalement, fi mamlaka, il est un fonctionnaire. Ou le wadif. Oyina mudarrisan fil ma'ad al-ilmi bil-Quwayiyya. Il a été nommé enseignant dans l'Institut des sciences Al-Khouaïa, qui est Gharb Riyad, du côté de Riyad. Cela, c'est après qu'il soit sorti de... Il a eu son diplôme dans la faculté de Sharia en 1410. Ensuite, Oyina Qadiyan bi Wuzarat al-Adl. Il a été nommé juge dans le ministère de la justice. Walakinnahu talaba al-ifa. Mais il a demandé à ce qu'on le dispense. Il ne voulait pas être juge. Summa rushiha fi diwan al-madalim bi madinati Jeddah. Ensuite, il a été nommé dans l'institut administratif qui traite les problèmes administratifs à Jeddah. Falam yamkuz fihi illa usbu'an wahid. Il est resté là-bas seulement qu'une semaine. Fatarakahu. Il a laissé ce poste raghbatan fi salama pour être préservé. Summa 'ada muhadiran fil ma'had al-'ali lil-qada bi Riyad. Ensuite, il est retourné comme Mohadir, c'est-à-dire comme enseignant, ou on va dire comme conférencier dans l'Institut supérieur des magistrats à Riyad. Summa uyina ustazan musa'idan ba'da naylihi li darajati doctorat. Ensuite, il a été nommé ustaz. Ustaz, c'est ceux qui forment les doctorants. Hein? Et cela après son doctorat. Walam yazil fi mansibi hatta wa fathul maniyya. Il est resté dans cela jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ait saisi son âme. Ja'ala Allah kullama qaddamahu fi mizan hasanati yawm al-qiyamah. Qu'Allah mette tout ce qu'il a fait comme bonne action dans la balance de ses bonnes actions le jour de la résurrection. Alors le livre du Cheikh Abdus Salam الحجج القوية. Premier livre c'est الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. C'est un livre que tout prédicateur doit lire. Les arguments forts qui montrent que les moyens de la dawa sont stationnés sur les tests. On ne se lève pas pour faire une dawa n'importe comment. Il y a une manière de faire la dawa. N'est-ce pas? Taïb. Mais aujourd'hui, toute personne qui a mémorisé le Coran un peu, il devient dawa. Et maintenant, il prend des moyens qui ne sont pas légiférés. Tels que les moyens de sketch, on appelle ça sketch, théâtre, pour faire la dawa. Hein? Tu viens une personne et il simule un mensonge. Et puis toi, tu le conseilles. Ça, c'est un mensonge. N'est-ce pas? Est-ce qu'on doit faire la dawa de cette manière? Ou bien soit, tu vois, il y a d'autres qui font des vidéos et une personne est là, il vient, il fait mal une action dans la prière. Et l'autre lui dit, non, tu sais, on ne fait pas comme ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit comme ça, il a dit. Mais pourquoi il a fait exprès de mal faire? Pourquoi? Est-ce qu'il était obligé de faire exprès pour mal faire? Est-ce que la charia vous a autorisé cela? Donc, celui qui veut savoir comment faire la dawa, qui lit ce livre de Abdus Salam Ibn Burgess. Le deuxième livre, c'est Mu'amalatul Hukam, Fidaw il-Kitab wa Sunnah. Hein? L'interaction avec les autorités selon la lumière du Coran et la Sunnah. Alhamdulillah, on a ce livre ici dans notre Maktaba. J'espère que quelqu'un n'a pas prié. C'est là, non? Voilà, donc si vous voulez voir, c'est là-bas. Mohamed Atul-Hukam. Comment interagir avec les autorités? C'est un livre qui est très bénéfique. Par Abouab, il envoie tout ce qu'il faut savoir concernant l'interaction avec les autorités. Le troisième livre, c'est Minhaj Ahlil Haq wal Ittiba. La méthodologie des gens de la vérité et du suivisme. Le quatrième livre, Al-Ahadith Nabawiyya, fi zammi al-ansuriyya al-jahiliya. Les hadiths prophétiques qui blâment le fanatisme de la jahiliya. Et il a eu le taqdim de Cheikh Sol Al-Fawzan. Cheikh Sol Al-Fawzan, il a fait un préambule pour lui, pour féliciter son livre. Le cinquième livre, c'est Al-Ilam bi Ba'd Ahkam Al-Salam. Ça va? Al-Ilam bi Ba'd Ahkam Al-Salam. C'est un jugement de salam. Faire connaître cela. Et c'est un petit livret. Côté Yib Latif. Septième livre, Al-Amru bi Luzum Jama'ati Al-Muslimin. Wa Imamahum wa Tahzir min Mufaraqatihim. Al-Amru bi Luzum Jama'ati Al-Muslimin. L'ordre de rester avec le groupe des musulmans, avec leur imam, et mettre en garde contre le fait de se séparer du groupe. Il a écrit un livre dans ce sens. Et le septième livre, Iqafun Nabil ala Hukm al-Tamthil. Alors, le stationnement intelligent sur le jugement de la représentation, des photos et autres. Si tu veux avoir le jugement aussi, il faut lire ce livre-là. Alors, il y a un de ces livres qui n'a pas été mentionné ici. Qui va me le dire? Non? Hein? Awaik? Non, Awaik Talab. Ça n'a pas été mentionné. Mu'taqad de Sahih. Bon, il n'a pas voulu, il a dit min mu'allafati. Parmi ses écrits. C'est compris? Wafatu rahimahullah. Le cheikh, il est décédé. Toufiya Abdussalam ibn Birgis. Il est décédé. Rahimahullah. Masa yawmul Jumu'ah. La nuit de Jumu'ah. Le 12 Safar. L'année 1425. Wa hadha fi hadith as-sayyara. C'était dans un accident de voiture. Isr. Ir fitamihi bi ahad al jimal al sa'ima fi tariq audati ila riyad. Isr, c'est-à-dire suite à une coalition, c'est-à-dire il a pénétré avec sa voiture l'une des chameaux qui était libre, qui était laissé en liberté. Le chameau passait sur la route et la voiture du cheikh a pénétré ce chameau-là. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ah, le chameau-là n'a pas bien fait. Qadar Allahu ma sha'a fa'al. Alayhi kadhalik. Donc, il revenait de Al-Ihsa. Farahim Allahu rahmatan wasi'a. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa kana umruhu hina wafatihi. Il était âgé de combien? Samin wa Sarasuna Sana. Amen. Il était âgé de 38 ans lorsqu'il est décédé. Hein? C'était jeune. Hein? Oh oui, il était encore jeune. Tous les diplômes, doctorat, tous les livres qu'il a écrits. Donc on va s'arrêter ici les frères. Et prochainement on va continuer dans la Muqaddima du Cheikh. C'est compris? Et Inch'Allah on va, après la Muqaddima du Cheikh lui-même, on va voir Al-Aslul Awwal, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc voici une petite biographie du Cheikh Abdussalam, Rahimahullah. Comment? Sa mort est aujourd'hui. On va aller, il est décédé en 1425. C'est ça? Aujourd'hui c'est 1447. Ça fait 22 ans. Donc c'est-à-dire, si on fait un calcul, on va dire qu'il est décédé en 2003. 2003 ou 2004. Ça va? Non. Amin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.